vendredi 17 mars 2017. Et ça, il va falloir en parler. Le 17-17, il y a un message subliminal dans cette numérologie des plus intrigantes. On va creuser l'affaire, mon petit. On va la creuser. Avec quoi? Avec des pelles. Des pelles. Des pelletés de nuages à volonté. Vendredi 17 mars 2017. Hey, Général de Drôle. Excuse-moi. Général de Drôle. Sors de ce corps. Alors, vendredi 17 mars 2017, monte le volume et hum, la différence, c'est parti, mon qui. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Fring! Fring, c'est moi. Moi, je sors pas du chapeau, moi. Moi, je sors du pompon. C'est rare de voir ça, un magicien qui sort du pompon. Quoique, t'as des réflexions. Avant d'aller plus loin. Excellente émission de mes camarades. Ton oreille a soif. C'était merveilleux. Écoutez, la musique qui émanait pendant ces 120 minutes était tellement réussie, tellement appropriée que j'ai monté le volume, un peu comme je le dis, là, pour trouver la différence. Et c'était toute une différence. Émission extraordinaire. Écoute, rapidement, non, arrête. Selon moi, là, c'est une des meilleures de 2017. Puis une des meilleures depuis le début de Ton oreille a soif. Hey! Comme la pasta, la musique était al dente. Al dente, ben al dente, à point. À point, vraiment. Là. Les ouvertures d'un micro, là, le discours qui s'y tenait là-dedans, là, c'est, écoute, j'en reviens même pas. Puis pour moi, là, prendre le flambeau, parce que ce que M. Grondin me tire la flamme, je la rattrape, mais c'est de faire quelque chose, pas de meilleur, c'est impossible, mais de faire quelque chose. On va bâtir maison, sans clous, sans vis, sans bois, juste de l'imaginaire. Un plancher de nuages et un toit. Et un toit. Et un toit, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi. Toi, toi, mon toit. Toi et un toit d'illusion. Et nous regarderons, au bout de ces 120 minutes, de quoi l'œuvre abstraite qui se dressera et qui commence à se dresser, là. Écoute, c'est comme préparer un bon repas, faut placer la table. Puis là, faut connaître l'énergie, là. Faut amener des gens ésotériques. On prépare pas, là. On place pas une table comme ça. Les chaises doivent être définies selon les ondes des invités. La meilleure façon de connaître la sensation, là, tu sais, la... Oui, exactement, madame, la puissance. La puissance des raccords intellectuels et des raccords, des circuits nerveux, c'est en donnant la main. Et aussi, d'être ouvert, Est-ce qu'elle va sonner, cette personne-là, ou elle va frapper? Si elle sonne, a-t-elle le doigt pesant? Ding! Dong! Si elle a le doigt pesant, là, ça promet. Ça veut dire que... Mais parce que ça, c'est de l'interprétation, là. Ça demande du vécu, ça n'arrive pas comme ça. Ça veut dire que elle a commencé à prendre l'apéro 1h30 avant notre rencontre. Donc, elle est quand même d'humeur joyeuse, selon la personne avec qui elle est accompagnée. Parce que si tu prends un petit verre, et au bout de la mission, le verre, là, ça, c'est la personne accompagnée, là. Quel poisson je vais appeler? Tu sais, parce que la fille a une liste de mecs. Parce que moi, je suis instable au niveau, ouais, émotif. Émotivement, je suis instable. Ah, instable de même, là. On m'appelle... comment t'appelles? Le Iggy Pop, c'est l'iguane. On m'appelle l'iguane. Je suis comme la scie, moi. Pas le chien, mais la scie. Pour scier. Scier. Pas chercher à fendre l'air. Là. Ouais, exactement. Donc, j'ai une nomenclature, là. J'ai une liste. Est-ce que je veux fréquenter, pour ce repas, un fanfaron? Tu sais, celui qui va faire de la bille, qui va balancer des blagues, là. Tu sais, un genre de... Un genre, là. Tu sais... Après 2-3 vannes, t'es comme un peu gêné, pour ne pas dire intimidé, par autant de manque de tact. Normalement, est-ce qu'un manque vient avec le tact? Non, il y a des gens qui ont du tact, il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Qui n'ont pas, il y a aucun tact. Et seras-tu gêné, ma petite gazelle, de choisir cet hurluberlu? Et 3-4 vannes, là, dans le style « Hey, écoute-moi! » Oui, là, j'en connais une, mais j'en connais plus qu'une, là, mais la première, c'est deux oranges qui sont là devant la porte, là. À un moment donné, une dit à l'autre, ah ouais, sun kiss. Là, le monde est là, ouais. Ouais. Une autre histoire d'orange, hey, wow, wow, une autre histoire d'orange. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Orange pressé. Hey, attention, là. Avez-vous remarqué que pendant que je racontais les deux blagues sur les oranges, là, j'étais comme elle, j'étais concentré. Jus concentré, jus d'orange concentré. Un autre sur l'orange. Fais pas comme ton père, là. Fais-toi pas presser. Presser, l'orange, presser. Voulez-vous encore tout dedans? On arrête là. Bon. Sinon, vous allez me tirer des oranges. Non, c'est des tomates, normalement. Des tomates. Des petites tomates, tu sais, des petites plantes. Tomates cerises. C'est bon, les tomates cerises. C'est bien plus intéressant que les tomates italiennes. Quoique, j'ai absolument rien contre les italiennes. Mais je comprends pas pourquoi la tomate italienne n'est pas noire comme les cheveux des italiennes. Ben, écoute, c'est pas très compliqué. Quoique, dans ton cas, ça peut l'être, là. La tomate italienne est née en Italie, grandit en Italie, se cueille en Italie et s'enwaye au Québec. On les enwaye. On les envoie pas, on les enwaye. Pas par messagerie prioritaire, là. Par des pigeons voyageurs. Puis ça, j'en ai déjà, hein, les pigeons voyageurs. Il y a 5-6 semaines, 8 semaines. Bon, on va mettre 2 mois. Là. Il y a 2 mois et demi, 3 mois. On a parlé des pigeons voyageurs. Si vous me suivez là, depuis le début, hey, on ne te suit plus depuis bien des années, mon petit champion. On te laisse aller, là. On te laisse aller, puis on essaye d'examiner, puis on ne sait plus. On ne voulait pas vraiment te le dire non plus, là, mais... Tu sais, on appelle ça aussi, comment ça, la grande noirceur. Pas la grande noirceur, mais les étoiles, là, le péteux d'étoiles. Là. Le péteux d'étoiles. Tu connais un péteux d'étoiles, toi? Comment s'appelle-t-il? Ben, le péteux d'étoiles. Oui, la grande boum. Non, c'est la grande bouffe. La grande bouffe, la gouffe. Hmm? On dirait la mangeante. J'ai la langue qui frétille comme le poisson qui sort de l'eau. Non, ça, c'est le serpent qui sort du panier à serpent. Grâce au flûtiste, là. En indien, assis en indien, avec le turban, qui, tranquillement, en montant la flûte, fait monter le serpent. Et il n'y a pas de corde qui tient le serpent. Le serpent n'est pas mort. Non, non, non, c'est un vieux truc, ça, là, le serpent mort. Quand on était petit, on prenait un bas, on mettait deux petits yeux, là, des boutons, deux boutons pour faire les yeux, puis un petit bouton pour faire le nez, puis un gros bouton pour faire la bouche. Puis on mettait ça sur le bout d'une corde, puis là, on montait notre flûte. On faisait comme le grand fakir, fakir, là. Il était assis sur une planche. Mais pas n'importe quelle planche. Une planche clouée. Mais les clous, le bout du clou, les bouts des clous, lui touchaient le fessier. Bref, il était assis sur un banc de clous. Mais pas à l'envers, là. Il est le côté de aïe aïe. Parce qu'il y a le côté. Oh, puis il y a le côté aïe aïe. Il était sur le côté aïe aïe, lui. Fait que le fakir, fait que le fakir. Ça nous intriguait, enfin, là. Comment il pouvait faire pour faire monter le serpent? Il jouait tout. Non, c'est pas un folklore russe, ça? Non, folklore russe. Non, ça, c'est la folle cancanche. La folle cancanche. Quand t'invites des invités, tu sais, qui ont trop pris l'apéro, avant de rentrer chez toi, ils sont déjà un peu calanchés, tu sais, cancanche. Puis là, ils rentrent. Puis là, la fille, je sais, je voulais me dire, la fille qui a la liste des mecs. Ben, elle choisit, là. Moi, écoutez, on dirait que j'ai le cœur vagabond. Oh, tu veux que j'y revienne? Tu veux que j'y revienne? Je reviens te raconter. On va te raconter l'histoire du fakir. Enfin, ça nous impressionnait, ça, là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des émissions destinées. On dit destinées aux enfants, quoique j'adorais les films de Truffaut, moi, quand j'avais 8, 9, 10 ans, 11 ans. L'argent de poche, les mistons. Pas pourquoi. La nuit américaine. 13-14 ans. Des films d'Éric Rohmer. La femme de l'aviateur que j'avais vue à l'Empire dans le Vieux-Québec. C'est-tu dans le Vieux-Québec, l'Empire? Ouais, aujourd'hui, c'est rendu une librairie ou feu librairie. Ça fait longtemps que je ne vais pas monter en haut. Eh, monsieur, je préfère être en bas. Moi. Ça fait moins mal quand tu tombes. La fakir est là avec les clous, direction postérieure. Lui, il est assis en indien, turban, flûte. Mais toi, enfant, là, tu mettais pas des clous, là. Tu étais assis sur un tapis. Puis ce que tu voulais, ce que tu souhaitais, c'est qu'il soit volant. Mais là, comment acheter un tapis volant, toi, là? On trouve tout ça dans les supermarchés, on trouve tout ça dans les marchés publics, t'es en plein air, là, dans les marchés aux puces. Aux puces, les marchés aux puces. Tu connais pas ça, les marchés aux puces, toi? Ah, t'es un nouvel arrivant! Oh, hey, on va te faire visiter un marché aux puces. Ça, il y a longtemps, là, en 70-80, c'est des gens qui voulaient se débarrasser de leur cochonnerie, qui vendaient leur cochonnerie, puis que le monde achetait ça. Un prix ridicule. Parce qu'il faut être ridicule pour acheter des cochonneries. Là. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà vendu des Vic 20. À l'époque où l'ordinateur commençait à quitter là, le côté Commodore. J'ai jamais eu un Commodore 64. Toujours le Vic 20. 3K RAM. C'est écran CGA. Mais là, ça n'existait pas le CGA. Là. C'était l'écran de la TV. La dataset! Puis en arrière, la cartouche pour jouer à des jeux. Pac-Man. Hey, man, Pac-Man, jouer à Pac-Man, man. C'est rendu la mode aujourd'hui. Hein? Les vinyles reviennent, le Pac-Man revient. Moon Patrol, Pole Position. Des jeux de course. Sur mon Vic 20. Puis là, il y avait un commentateur à la télévision communautaire, parce qu'il y avait une télévision communautaire qui essayait des jeux. J'allais dire Ray Vincent, mais lui, c'est un jovialiste. Mais c'est pas Ray Vincent. En tout cas, le bonhomme sur le Vic 20, vous pourrez jamais. Vous pourrez jamais. C'est le problème sur le Vic 20. Pour le position, vous pouvez pas passer entre les deux voitures. Vous allez toujours être l'avant-dernier, jamais le premier. C'est un bug. Puis moi, j'avais acheté le bug. Parce que j'avais juste un Vic 20. Mais si vous l'achetez sur le ColecoVision, ça existe plus, je peux nommer les noms. ColecoVision, là, vous allez avoir le, avec le volant. J'ai jamais eu de volant. Moi, c'est pour ça que j'ai jamais été heureux dans la vie. Avec la pédale. Hey, c'est comme une voiture. Volant-pédale. Pas un vélo, là. La pédale pour accélérer, freiner, même je crois qu'il y avait les deux pédales, freiner puis accélérer, mais je suis pas certain. Hey là, t'avais ça chez vous, là. T'étais le gars le plus heureux. Puis ta soeur jouait avec la Barbie. Hey, tu peignes les cheveux, ainsi. Hey, nous autres, on est rendu dans l'informatique, toi, tu peignes des cheveux. Continue à peigner! Continue à rétrograder. Quoique, heureusement que j'ai des coiffeuses comme amis qui sont dépressives parce qu'ils hein, veulent pas toucher à ce cheveu-là. Ah oh, non, toi, là. Moi, quand j'étais petite, là, je faisais pas ça. J'avais pas de barre. Non, j'en avais pas de poupée pour afin de m'amuser à peigner les. Non. Moi, je faisais des petits gâteaux. Des petits gâteaux dans des petits poils en plastique. Puis j'y faisais manger à mes amis. Ah ouais, mange, mange, ah ouais, mange. Puis ils sortaient pas hein, sans les avoir mangés. Ils étaient malades. Oh. Puis là, je reprenais ça après ça. Je refaisais cuire ça. Ils font ça dans magasins, là, tu sais, dans endroits où tu peux acheter de la nourriture maison. Ils font même affaire. Régurgite, ça va faire plus de. Oui, exactement, plus de choses. Ma mère qui, quelquefois, voulait jouer l'exploratrice culinaire. Elle voulait faire des expériences culinaires. À un moment donné, un gâteau au chocolat dans lequel on... C'était écrit là, dans le recueil de recettes avec une sauce chocolatée. Mais je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a oublié le sucre. Mais c'était amer, amer, amer, amer. Amère, qu'on voit dégueuler le long de la baboune. Mais c'était épouvantable. Alors, de un, ça sort du four. Là, moi, tout ce qui était chocolaté, gâteau. Moi, maman, puis t'as mangé un morceau. Hey, ouais, là, on va attendre que ça refroidisse. Oh non. Fait, elle me prépare un petit plat. Prends ma cuillère. Même place ça dans la bouche, c'était chaud, dégueulasse à mère, je recrache, mais ma mère n'a pas vu ça. Elle est là derrière moi, viens, c'est pas bon. Mais là, voyons donc, c'est pas bon. Hé, regarde, il y a le gâteau puis il y a la sauce. Mais c'était pas de la sauce. C'était ce que j'avais recraché. Ma maman, quand même. Avait une fierté de mère, là. Prends une cuillère, ma cuillère. Coupe un morceau de gâteau. Trempe ça dans la sauce, entre guillemets, la pseudo-sauce. Il goûte. C'est bon, ça. Là, je m'esclave. Même pas, je bouffe de rire. Quoique, c'était plus drôle la bouffe de riz que la bouffe de ma maman. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais maman, on va te raconter ce qui s'est passé. C'est que j'ai pris une cuillerée. Je l'ai mis dans ma bouche, c'était trop chaud, puis c'était pas bon. Je l'ai recraché, puis t'as trempé ça dans ce que tu croyais de la sauce. Puis c'était mon crachat. Elle était pas de bonne humeur. Pas de bonne humeur, là, mais... Moi, je dis, écoute, tu sais, j'avais à peine 11 ans, mais je connaissais les choses de la vie. Je savais que les dames avaient des règles strictes. Ne jamais cracher lorsque ma maman fait de la nourriture, mais en même temps, d'autres règles. Des cycles féminins. Je me suis dit, dans son cycle féminin. Là, en parlant de cycle, c'est vrai, il faudrait que je mette mon linge au séchage. Parce que là, le cycle du lavage vient d'être fait depuis au moins 3h30. Et j'ai oublié ça dans la laveuse. Si ça reste trop longtemps, ça va pourrir et je vais mettre. Je vais me vêtir de vêtements au textile pourri. Et du textile pourri, croyez-moi, ça sent quelque chose d'immonde. Il monte. Ils m'ont dit de pas vraiment dévoiler qu'il existe sur le marché. Ton marché, c'est quoi? C'est un marché ouvert, fermé, intérieur, extérieur? Peux-tu nous raconter un peu? Oui. C'est un marché noir. Oh! Disponible uniquement le soir? Non. Disponible n'importe quand, mais dans le milieu, en dessous. Dans le milieu, en dessous? En dessous. En dessous de la pile? En dessous de la pile. Tu sais, c'est un milieu là où tu as le billet déjà préparé. Normalement, plié en 4 ou en 5 ou en 6. T'es tellement nerveux. Hein, il faut affaire avec l'interlope. Je suis un trafiquant. Pas ça du tout, là. C'est que Mme Thibodeau, au coin de la 6 et de la 3, fait elle-même sa lessive artisanale. Donc, elle a développé avec les années, mais en fait, c'est son arrière-grand-mère qui, à Natashquan, avait lancé du liquide à lessive lorsqu'on avait oublié dans la laveuse du linge qui commençait à sentir le regretter. Le regretter. Comment ça, le regretter? Ben oui, mais quand quelqu'un meurt, c'est un regretté, ouais. C'est pas un retraité, non, regretter. Ben, tu peux mourir sans être retraité, là. Ah, c'est vrai, de plus en plus, on meurt sans toucher le chèque. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je sais pas. Ben, dis-moi là, ben, on va te le dire. Attends un peu. Hey, pourquoi c'est pourquoi Quand tu bégayes, c'est parce que tu caches quelque chose. Mais je cache toujours mes affaires, moi. Oh! Comme l'écureuil? Non. Non. S'ils s'en viennent. S'ils ne saisissent, c'est quoi? C'est une nouvelle langue, ça? Mais non, s'ils ne saisissent. Je comprends pas ça, mais s'ils ne saisissent, qu'est-ce que tu veux dire? C'est du monde. De la loi qui viennent chez moi. Ouais. Des gens de la loi. De la loi. Quelle loi? Mais la loi de la société, là, qui ont mis en branle. On s'en branle, mais il y a un décorum, une certaine façon de vivre. Et si tu ne vas pas dans cette façon de vivre-là, tu es... Marginal? Oui, tu es marginal, mais tu es... Tu es qui? Ben, tu es moi sur la place publique. Non, mais tu... Voyons donc, tu es... Tranquillise-toi. T'es pas Marie-Madeleine. Mais c'est ça, Marie-Madeleine. Elle était quoi, Marie-Madeleine? Oh, c'est une fille qui aimait. Qui aimait et qui se dispersait dans l'amour. Marie-Madeleine. Et un jour, leurs regards se croisèrent. Nicole Croisille. Ah, c'est une bonne femme, Nicole Croisille. Elle a fait des grands succès. Hey, la chanson Une femme. Là. Une femme. C'est bon, ça. Une femme avec moi. C'est quoi, donc? De la Versailles, de l'Africaine. Et toi, tu es gay comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Imagine-toi que si l'Italien. Lui sait qu'il va avoir de l'amour et du vin. Le français, c'est quoi, lui? Lui sait qu'il va avoir de l'amour, du vin du fromage puis de la baguette. Et tout ça en même temps, là, moi, je suis un Français qui dit que j'aurais du fait, hein, j'aurais du fromage, de la baguette, de la femme, et de la rillette. La rillette. Puis aussi, l'andouillette. Écoute, excusez-le, car il ne sait pas ce qu'il fait depuis 16 ans, 10, 14 ans, 12 ans, 11 ans, en tout cas, 2 ans. Quand tu fais ton émission, man? Oui. Quel âge intellectuel as-tu? Oh, c'est une bonne question, ça. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste? Mettons. Qui? Mettons. Mettons. Mettons. Mettons quoi? Mettons les choses au clair. Oui. Oui, allez-y. Ben, mettons les choses au clair. Ben, j'aimerais bien les mettre au clair. Alors, vous êtes journaliste? Mettons. Vous êtes gêné de nous le dire? Oh! On a coupé la... Oh! C'est pas vrai, il peut... Oh non! Que c'est triste! Ben voyons, on va en verser une petite pour vous, OK? Je peux plus parler. Il me fait des signes. Oh non! On va pleurer. Ah! C'est fini. Et on dirait un gars qui tombe en bas du 10e. Ah! Ouais. Avant de tomber, nous allons essayer de monter, nous. De monter, comme disait la chanson. À travers la musique. Vous savez que souvent, et très souvent, puis même, il me semble que c'est à chaque fois comme ça, une chanson raconte une histoire, donc c'est un petit film. Puis j'ai un générique pour les petits films, ou les grands films, ou les longs métrages, ou les comme Shoah. Shoah, œuvre exceptionnelle de Zygmunt. Et tout ça, c'est l'œuvre d'un homme et d'un homme qui a pris une vie pour nous raconter l'Holocauste. Œuvre extraordinaire. Alors, ça peut durer autant de temps que Shoah. En même temps, comme c'est une chanson, surtout le punk. Mais là, ça... Non, faites-vous-en pas, madame. Non, je sais, vous êtes très belle. On vous a bien coiffé. Bref, félicitations. Ça, ouais, les frisottis tiennent-elles seules, un frisottis? Est-ce que les fris... C'est... Ah, OK, on a mis du... C'est du fixatif. Quand vous allez vous élaver, vous en avez assez, OK. Bon, alors on va passer au petit générique du film, analyse filmique, puis je vous reviens après, OK? On va faire ça comme ça. Aussi facilement que ça. Pas compliqué la vie, là. Moi, je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches. Où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. Steve. Robert Charlemagne. J'ai la gorge nouée. Et l'œil embarrassé. Embarrassé, ben embarrassé. D'autant de poésie, de mots exceptionnels et de... C'est ça la poésie. C'est de placer une fresque imaginaire à travers des mots. Comme disait Brad Scott, avec beaucoup de... Ouais, il y en a beaucoup, hein? C'est vrai. Brad Scott, une expression québécoise qu'il aime et qu'il adore reprendre, c'est dans le dash, là. Ça frappe dans le dash. Le dash. Lorsque tu es dans une voiture pour les nouveaux arrivants, OK, tu es dans ta bagnole, dans ton véhicule. Le devant, ben, c'est le dash. En avant, en français, c'est le pare-brise. Ça frappe dans le dash. Ça veut dire que quand tu freines, pouah, ça te fend. Pouah. Monsieur le Président, mais merci de. En fait, tu le fais au niveau sonore. Ben oui, on est à la radio. Comme à la radio. J'ai pas trop parlé, hein? J'ai beaucoup parlé, mais j'ai pas trop chanté. Oh, j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Oh, monsieur le président. Messieurs les patrons catholiques et cathodiques. Surtout cathodiques. Ah, mon Dieu. Mesdames les voluptés. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénadienne. Aujourd'hui, le vendredi 17 mars, j'ai omis de divaguer sur le 17-17, 17 mars 2017. Un message. Ben, va voir sur ton hotmail, là, si c'est un message. Va lire ton courriel. Et puis, il n'y a pas de message. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il n'y a pas de message. Alors, on continue. OK. Alors, 17 mars 2017, unissons-nous autour de mon ami Egan Kragle. Ma feuille d'Egan, où est-il? Où est-elle? Où est-il? Egan est à Paris actuellement. Ma feuille est devant moi à Québec, dans le studio des Abbesses, dans la vieille capitale. C'est un auteur. J'ai comme une palpitation au niveau de la... Ouh. C'est un auteur, compositeur, interprète. Nous avons parlé de Rimbaud, n'est-ce pas? Nous évoquerons également ce soir Pasolini, poète, mais avant tout réalisateur, homme de mots, être extraordinaire qui a été assassiné. Egan Kragle, excuse-moi. Egan Kragle va nous raconter un peu lorsque j'ai organisé un spectacle vivant sur un banc public des Abbesses, sur rue des Abbesses, va nous raconter l'histoire de cette chanson. Un texte, une poésie de Pasolini. C'est un cadeau. Sans doute vers la fin. Je ne sais même pas comment je vais monter ça, cette émission-là. Je ne sais pas. C'est de l'improvisation et Dieu merci. Auteur, compositeur, interprète, Egan Kragle se définit comme un chanteur en kilt, d'une voix profonde. Et sa voix me fait vibrer au même titre que les interprètes et les compositeurs anglais. Anglais, pas anglais états-unien, mais anglais d'Angleterre. Il a une façon de raconter vraiment très british. Il chante à la fois les sortilèges de l'enfance, les marins, les amours noyés d'ombre, parce qu'il aime le paysement. Non, pas le paysement, le dépaysement. Parce que le paysement, je ne suis pas certain que ce soit aussi dépaysant. Parce que mon pays... Ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mais pour mon ami Egan, son pays à lui, c'est l'enfance. L'amour noyé d'ombre. Parce qu'il aime le dépaysement. Il vous convie à ses voyages. Et ça, c'est vrai. Pendant quelques minutes, vous entendrez, tiens, voilà, ça vient de m'arriver là en plein. C'est ça les idées. C'est une flamme qui te traverse l'esprit. Tu la prends ou tu la prends pas. Faites-vous-en pas, vous ne vous brûlez pas les mains lorsque vous la captez. Au contraire, vous illuminez. Ou vous tentez d'illuminer à votre façon, là, à votre manière, comme disait la chanson. La chanson « À ma manière, ma vie, je n'en ai qu'une et je la veux. » Mais moi, j'ai pris cette idée qui vient de me traverser là, comme l'éclair. Tu regardes le ciel. Tu sais pas ce qui va arriver. C'est l'été, il fait chaud, il fait beau. Il fait tellement chaud qu'il y a des éclairs de chaleur. Puis sans le savoir, parce que c'est pas prémédité, là. Tu regardes en haut, puis tu vois. Un peu comme quand tu appelles ça l'étoile filante. C'est sûr que lorsque tu regardes le sol, tu risques de ne pas voir grand-chose en haut. Alors, je présenterai l'intégralité du spectacle. Oh, là, je me lance dans quelque chose, là. En tout cas, je ne pourrais même pas dire les meilleurs moments. C'était très, très intéressant du début jusqu'à la fin. En tout cas, on va se débrouiller, mais ce sera un spectacle à la toute fin de ma rencontre avec Egon Grockel. Quoique, j'aurais dû faire deux émissions, là, à plus y penser. Arrête de parler, puis continue, puis vas-y, OK. Alors donc, l'épaisement, il vous convie à ses voyages. Normal, le kilt est écossais et la guitare andalouse. Et le mec était présent au micro de CKRL. À mon émission Errance Rénaldienne, et je vous le présente maintenant. Tout ce qui suit, c'est de lui. Like a rainy day along the shore. Caressing her, with love and hate across your fingers. My world is so blue, like a wake so long, waiting for you. Thank you. joy, I will light a star for you. And no coffin for my sorrow, big bamboo. Color me with love, hit the road alone, let me tie your weary shoes. À mon avis, il y a tellement de choses ici qu'on va bientôt c'est vrai, oh, oui, on est dans le coin où tout peut arriver. Ah, tout peut arriver. Oui. Comment vas-tu? Très bien, toi? Ravi. Ben moi aussi. Ravi de te rencontrer. Mais j'y croyais pas, mais je crois qu'il y a un peu de Pierre Fay là-dedans. Je pense qu'il doit être à l'origine de toute cette sombre histoire, notre ami Pierre Fay. Mais pas juste toi, plein de musiciens. Plein de musiciens, je pense. C'est comme un recruteur. Alors j'ai regardé un petit peu, j'ai vu que tu avais rencontré aussi Boris Bergman. Oui. J'adore, c'est un grand copain, c'est un grand ami, j'adore Boris. Sacré Boris. Ben, j'étais en train de discuter tout à l'heure, avant toi, avec Renaud Bernal. D'accord. Renaud Bernal qui a 5 chansons que Boris lui a écrites. Lui a balancées. Ben ouais, génial. Ah, tu connais? De nom, okay. Voilà, mais je connais bien très bien Boris, super bien Boris, mais voilà. Et il y avait Axel Bauer aussi. Oui, mais ça j'ai rencontré il y a 3 ans. Ouais. Quel bonhomme. Ah, j'adore Axel. Arthur Ashe aussi. Grand copain Axel aussi. Ah oui? Puis comment il va? Écoute, il a l'air d'aller bien. Okay. Ah, mais là, ça fait longtemps que tu n'as pas entré en liaison avec. Les dernières nouvelles que j'ai eues, elles étaient assez bonnes. Il reste encore à Paris. Écoute, il est un peu par Mons et par Vaux. Je sais qu'il avait... Il se reposait un peu dans une grange ou dans un endroit à la campagne, un petit peu. Est-ce que tu es en liaison avec Cap de Vielle? Non. OK. Parce Pierre doit l'être, par contre. Il m'a causé... Ouais, non, mais j'ai... Non, il m'a dit qu'il y a 4 ans, il a tout perdu, là, le numéro de téléphone de plein de personnes. Mais parce que je l'ai rencontré plusieurs fois avec Pierre à l'époque, mais voilà. Ouais, il y a 5-6 ans. Mais c'est des fois... Et je devais... Ça se fait, ça se défait. Oui, c'est ça. Et je devais le rencontrer hier, mais il y a eu un pépin, mais il ne m'a pas appelé, donc j'ai attendu pour rien. Et je voulais le rencontrer avant de partir. D'accord. J'ai envoyé des courriels, des bouteilles à la mer. Alors, tu es apparu jusqu'à quand? Moi, je repars après-demain, mais le seul moment où je peux rencontrer, parce que demain, c'est 8 rencontres, mini-concert aux Abeilles ici. D'accord. Toi, tu peux arriver, tu joues une guitare, toi? Oui, bien sûr. Ben, si tu es disponible à 19h30, il y a un concert que j'organise sur le banc public. Aujourd'hui? Oui. D'accord, à 18h30? Oui, ben là, vous allez être plusieurs. De 2, j'ai augmenté à 3 parce que Renaud sera là. D'accord. Et avec toi, ben, ça fait 4. Eh bien, écoute, avec plaisir. Parfait. Moi? Alors, lorsque tu entendras de la musique, ça sera vraiment pas loin. Peut-être à l'intérieur du parc, mais il ferme à 20h. Donc, on risque d'être à l'extérieur. D'accord, ben écoute, 18h30? 19h30, ok. C'est noté. Excellent. Alors, nous y serons avec beaucoup d'amis musiciens. Ah oui, moi j'aime bien avec ma guitare. Et surtout, nous aurons un ancien punk avec nous. D'accord. Des Dogs. Tu connais les Dogs? Oui, bien sûr. Ok. Absolument. Voilà. Ouais, moi j'ai fait partie un peu de la scène punk parisienne des années 80. Bon, un peu un champignon sur un arbre, hein, j'étais un peu bizarre, mais j'ai connu tout ça. Mais mes grands copains, c'était, je les adore, c'était les Béruriers Noirs. François, qui est un garçon formidable, qui est quelqu'un de génial. Voilà, j'ai connu les Lucrate Milk, tout ça, toute cette belle époque. À l'origine, il faut le dire, t'es pas français. Mais j'ai un papa qui est autrichien. Ouais. Voilà. Et une maman qui est provençale, et moitié provençale, moitié italienne, donc... Mais t'as pas c'était, grandi ici t'as... C'était un espèce... j'ai grandi... j'ai beaucoup bougé, en fait, voilà, parce qu'avec un papa dans l'armée, on passe de caserne en caserne, alors donc voilà... Mais j'ai grandi aussi en Provence, okay. Ah oui. Au soleil. Okay. J'ai pas du tout grandi à Paris. Hein. Étant très jeune? Oui, absolument. Ok, c'est pour ça que la langue française, c'est ta première langue? Ma langue française est absolument... oui, la première langue, mais j'entendais d'autres langues à la maison aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on... C'était compliqué parce que les métissages se passent pas toujours très bien, si tu veux. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait la famille autrichienne, et elle n'aimait pas trop la famille française. Okay. Hein, c'est l'eau et l'huile. C'est l'eau et l'huile, c'est toujours compliqué. Alors en fait, comme j'étais quand même en général dans la famille un peu française, il ne fallait pas trop qu'on parle les autres langues. Enfin bon, c'était compliqué. Okay. C'était compliqué. C'est un peu comme le Québec, français, anglais. Il y avait voilà. Oui, j'imagine, comme chez vous. Oui, c'est ça. Mm. Ouais, mais nous, c'est une question plus nationaliste que familiale. J'ai cru comprendre quand je suis allé... Quand je suis allé à Montréal, Québec, j'ai été faire du traîneau à chien aussi. Ah ouais, c'était magnifique. Avec ta guitare, non, j'avais pas de guitare. Tu étais en vacances. Oui, je suis allé en vacances, absolument en vacances. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à la musique? J'ai toujours aimé ça. Écoute, pour te dire la vérité, j'en sais rien. Okay. Je crois que tu cherches à savoir ou pas du tout? Oui, je pense que c'était une espèce de curiosité, c'est-à-dire que bon, j'ai vécu dans une famille un peu particulière, avec une maman extrêmement religieuse, donc on n'écoutait pas de musique. Tu es très religieux. Sur ton album, j'ai écouté oui. Grâce à Pierre ton album. Oui, on sent peut-être quelques spirites, quelques... Absolument, temps. Oui, ben on peut pas se défaire de son enfant, tu sais, c'est super difficile, mais... Mais c'est pour désapprendre. Ouais, en même temps, moi j'aurais tendance, j'adore Brel, hein, je l'adore, je l'aime d'amour. Hein. Mais je pense qu'il faut garder quand même son enfant intact toujours. Et la religion tient encore le coup avec toi Non, je suis, si tu veux, enfin pour te dire la vérité, je suis assez fasciné par l'art et la représentation. Si tu veux. De quoi dessus? Moi, tu sais, tu vois ces images religieuses, les saints, les anges, toutes ces gravures. J'ai suivi pendant quelques temps, par exemple, à la Sorbonne, tout un séminaire sur la représentation du Christ à travers le temps. Oh, c'est bien, ça. Et c'est absolument fascinant. Ah, oui. Je suis fasciné beaucoup plus par l'imagerie, on va dire, que par l'histoire. Je me méfie beaucoup des religions. Les religions sont, pour moi, extrêmement suspectes. Et d'ailleurs... source de tellement de conflits, de tellement de sang versé que j'ai beaucoup de mal. Mais je suis... C'est-à-dire que, comme je disais tout le temps, je voulais que mon album soit un peu à micelle, mais très profane, pas religieux. Voilà, je suis très doutant, tu sais. Mais j'aime beaucoup, par contre, j'adore entrer dans les églises, j'adore entrer dans les temples, j'adore entrer dans les synagogues, j'adore les vitraux, j'adore... La représentation artistique, tu vois, du Caravage en passant par Zurbarán, par tout ça, ça me fascine. Je suis absolument fasciné par ça. Et fasciné par la vie des saints. Absolument fasciné. C'est-à-dire, je pense qu'ils sont assez déséquilibrés, pardon, mais ce déséquilibre, je le trouve fascinant. Je suis en train de relire une vie de Sainte Lidwine de Schiedam, qui était une sainte qui a terminé en plaie vivante. Tu vois, elle exsudait du pus, elle sentait bon en même temps. Voilà, je trouve c'est ça. Des je trouve ça. Qui... Oui, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient t'interpeller là-dedans? Surtout en 2016. Je suis totalement fasciné par ce qu'on peut, parce qu'on appelle, parce que les Anglo-Saxons appellent the fringe. Tu vois cette frange, qui est à mon avis d'ailleurs le lieu de l'art. Hein, c'est-à-dire que quand on prend une guitare, quand on écrit un livre, quand on prend un pinceau, je pense que... Oui, j'écris beaucoup, oui. Je pense qu'on est... Tu vois, on s'enfuit vers quelque chose. Alors c'est peut-être de la folie, hein, j'assume. Est-ce qu'on peut commencer par un peu dresser ton portrait de l'enfance et du jeune adulte que tu étais? Allons-y. Ok. Alors t'es un gars de province, t'es un gars qui est pas parisien? Non, pas du tout. Pas du et tout, mais pas qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Qu'est-ce qui t'a amené à la chanson? Qu'est-ce qui t'a amené à l'univers artistique? Écoute, je crois que c'était un besoin de s'évader profondément, parce que comme je te disais, entre un papa colonel dans l'armée, une maman extrêmement religieuse, À la maison, il n'y avait pas de livres, par exemple, il n'y avait pas de musique. C'était tout à fait, totalement malvenu. Et j'ai une sœur. Je pense que c'est ma sœur. Qui... J'ai une sœur, sister, a blood sister, qui... absolument. Et qui, elle, la première, m'a fait écouter David Bowie. Ça a commencé, oui, je crois. Oui, c'était un fan fini, oui, je l'aime à genoux. Je l'aime à genoux, je l'ai aimé à genoux. J'ai eu la chance de le rencontrer, oui, plusieurs fois. Oui. J'ai eu la chance. Fan qui l'attendait. Oh, j'ai eu la chance de dîner avec lui. Oui. J'ai eu la chance de. Je suis inconsolable, hein, de ce qui s'est passé en janvier, depuis qu'il est parti. Je suis profondément inconsolable. Donc, c'est ma rencontre artistique. Oui, c'était quelqu'un d'absolument. Délicieux, d'absolument. C'était un gentleman d'une culture abyssale. Je me sentais tout petit lorsque Bowie parlait. Je lui dois beaucoup de choses et je lui dois sans doute cette porte ouverte vers cet ailleurs, si tu veux. C'est vraiment. C'est lui qui a ouvert cette porte, voilà, et qui m'a fait sortir d'un monde un peu étriqué dans lequel j'étais pas très à l'aise. Ah ouais, quand j'ai plongé. Quand j'ai plongé, je suis parti à Londres, je me suis sauvé de la maison. C'est peut-être très bizarre de dire ça, mais je cherchais peut-être beaucoup d'amour. Je cherchais un clan. J'ai l'esprit clanique. Je suis très amérindien quelque part, tu vois, la tribu, the tribe. Hein. Ouais. From the house, Mother calls my name. Oh, the glory when you dance in the rain. Water drops from flowers and from trees. God above sheds his eyes and looks at me. Father puts his pipe back in his mouth. I crack a smile just to keep from crying out. The sky is white at the belly of a boy. Like vomit, memories choke in my throat. Behold the boy, behold the boy. Home is a stranger tonight. Behold the boy, behold the boy. I tip you the wink is alright. With a heart of a wind and a song to sing, he swings in between dreams. Behold the boy, behold the boy. Come and celebrate with him. Touch your lips, the hurt is not enough. Your thorn-spiked head slowly moves into the sun. Weep, my child, your tears adorn the ground. The sweetest song is also the saddest one. Behold the boy, behold the boy. Home is a stranger tonight. Behold the boy, behold the boy. I tip you the wink is alright. With a heart of a wind and a song to sing, he swings in between dreams. Behold the boy, behold the boy. celebrate with them. Je cherchais le clan, voilà, je cherchais le clan. Et il y avait chez les punks quelque chose comme ça, il y avait quelque chose... D'ailleurs, déjà, au niveau du look, hein, les iroquoises, les crêtes... bon, je me suis fourvoyé parce que je n'ai pas toujours trouvé ça. J'ai trouvé beaucoup de destruction. Je ne suis pas du tout autodestructeur, je ne suis pas du tout... Non, je suis plutôt un bâtisseur, j'essaie de bâtir, j'essaie de... Oui, ça oui, oui, en bon scorpion. Ah, tu crois l'astrologie? Je sais c'est de pas. Là que tu, Pierre et toi, je sais pas. Je suis très, comment te dire, plus je vieillis et plus je me penche sur les sujets, je me rends compte que je ne sais rien. Okay. Mais est-ce que c'est un sujet que l'on doit aborder? Est-ce qu'il y a un intérêt à l'astrologie? Sans doute. Je pense qu'il y a un intérêt dans tout. Je pense vraiment. D'abord, peut-être simplement dans le plaisir de communiquer, quel que soit le sujet. Je pense que la rencontre avec l'autre est fondamentale. Je pense ça. Et je pense qu'il faut toujours rencontrer l'autre. Les voyages, par exemple. Moi, j'ai des souvenirs de Montréal et de Québec sublimes parce que c'est toujours la rencontre avec l'autre. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, la rencontre avec l'autre. Voilà. Chanter, c'est la rencontre avec l'autre. C'est les rencontrer, leur parler et échanger parce qu'on échange, on leur fait l'amour en même temps quand on chante, hein, on leur fait... Tu as fui la maison à quel âge? Comment? Tu as fui la maison à quel âge? Ah, j'étais pas encore majeur, j'ai dû partir, je devais avoir 17 ans. Est-ce qu'ils t'ont laissé partir ou c'est toi qui... Oui, ils m'ont laissé partir, je crois qu'ils m'ont laissé partir, j'étais... Alors, ils me comprenaient pas, tu sais le fait d'être musicien, enfin chez moi c'était faire de la musique, c'était absolument incompris. Hein, c'était... Bac avant, puis après, tu vois ce que c'est. Voilà. Alors bon, j'avais été studieux, donc j'ai passé une licence de lettres modernes, et après ma licence, je me suis barré pour faire de la musique à Paris. Oui, mais en même temps, c'est pas la chance, c'est pas partir... à un endroit où il y en a tellement. Aussi, bien sûr, complètement. Mais je m'en rendais pas compte. J'étais un jeune con, complètement pas, inconscient. Et... Tout était permis, contrairement aujourd'hui. Oui, c'était permis parce que c'était. Il y avait rien de structuré. Oui, c'était une période beaucoup plus effervescente. Hein. Je veux pas jouer les vieux aigris parce que c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que ces années 80, Paris était beaucoup plus. Dynamisante, il y avait déjà plein d'endroits où on pouvait jouer, et puis il y avait l'émergence du punk, il y avait l'émergence d'une nouvelle vague, d'une espèce d'indignation qui était extrêmement révigorante. On vit moins ça aujourd'hui, mais bon, on vit d'autres choses, en tout cas intéressantes. Mais qu'est-ce qui te reste de ton côté punk? Oh, plein de choses, parce que même si j'ai plus les épingles de nourrice plantées dans les oreilles, je serai toujours un indigné, je serai toujours... je mourrai en montrant les dents et en étant... Voilà, je suis un rebelle congénital, si tu veux. Voilà, je suis né comme ça. Il y a beaucoup de choses m'énervent, beaucoup de choses me... Ah oui, de plus en plus, bien sûr. Qu'est-ce qui fait prendre le crayon pour dénoncer? L'injustice, les prises de pouvoir abusives, la cruauté gratuite, la bêtise, l'ignorance, les dictatures, tous ces petits dictats, le règne abusif de l'argent, par exemple, qui pourrit tout, c'est-à-dire que... Je pense que l'argent est une chose absolument nécessaire, mais il faut l'utiliser intelligemment. Aujourd'hui, on est en train de tout tuer, on est en train de tuer notre planète, on est en train de tout détruire, on est en train de foutre en l'air notre biodiversité, on est en train de rendre les gens complètement esclaves, la fracture sociale est immense, on rend les gens pauvres, on exploite des pays, enfin, c'est lamentable. Je pense qu'on a la chance d'habiter une planète absolument magnifique, de disposer de l'instrument le plus... incroyable qu'il soit, qui est un corps, et on s'en rend même pas compte, on détruit tout, on se fait du mal, on est incapable de vivre ensemble, on est incapable de s'aimer. Moi je trouve que aimer c'est une chose absolument magnifique, c'est pas mièvre, hein, je parle de la vraie compassion, c'est mon côté bouddhiste, c'est un peu, c'est essayer d'avoir de la compassion pour tout ce qui est vivant, toute forme de vie, et on est incapable de ça, on part à volo, ça me fout dans une rage, tu peux pas imaginer. La maltraitance animale me fait dans des rages sans nom. Je combats contre les corridas, je combats contre les fourrures, je combats contre tout ça. Je pleure, ça me fait pleurer vraiment profondément. Je pleure toutes les semaines quand je vois des vidéos. Et petit végétarien? Oui, absolument, bien sûr, je mange pas. Je mange, depuis 17 ans, 17 ans, 18 ans. Non, non, je les mange pas, je ne vais pas les manger. Je ne suis pas contre le fait de manger des animaux, attention. Hein, je pense que c'est une chose qui a toujours existé. Les Amérindiens tuaient des bisons ou d'autres animaux. Enfin, c'est chez vous. Hein. Mais je pense qu'il faut savoir, les élever, il faut savoir les abattre dignement. Or, enfin, je ne sais pas si tu es au courant, mais nous, on a des scandales dans les abattoirs ici qui sont c'est terribles. On ne peut même pas rentrer. Oui, c'est ça. Les équipes de télévision n'ont pas le droit. Ouais. Et pour cacher tout ça, on ose dire que c'est uniquement pour l'hygiène. Oui, oui, je sais. C'est le cache-misère. C'est l'hypocrisie. Nous, c'est pareil. Tu sais, on a vécu là des scandales absolument épouvantables. En même temps, quand tu vas en Picardie, tu vois une poule dans le champ et que l'habitant prend la poule, au moins, c'est quelque chose de... Bien sûr. C'est très acceptable. Tu vois, quand elle a vécu sa vie de poule heureuse à gober des limaçons, à gratter dans l'herbe... C'est ça. Mais tu te mets le doigt dessus, absolument, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces viandes qu'on mange, qui sont mal élevées, qui sont abattues dans des conditions terribles, elles sont pleines de toxines, elles sont nocives, elles sont dommageables pour notre santé. Tu sais comment on élève les poulets aux États-Unis? Non. Non? Les poulets sont mis en cage pour pas que ces animaux-là bougent trop, pour les engraisser rapidement. On leur donne de la médication pour les grossir, pour les faire grossir, et ils sont pris dans des cages. Et il y a un tapis, ils mangent des graines et ils font leurs excréments et c'est recyclé, ils mangent leurs... Ah, j'ai cru voir ça, c'est ça, absolument, ils mangent, ouais, c'est terrible, ça c'est absolument terrible. Et une fois que l'animal, c'est 20-25 jours, une fois que l'animal est bien dodu, bon. On le prend vivant, on le met sur un piquet, toujours vivant. Et il attend son tour pour se faire trancher la tête. Bah, tu vois, ça m'indigne profondément. Voilà, ça, ce sont des choses qui m'indignent. Ça me donne envie de crier, de chanter, de album, dire des choses. Mais ton album que Pierre m'a remis il y a un an, est-ce que c'est ton premier opus véritable? Est-ce que c'est celui qui te représente comme étant l'auteur de son premier disque? Oui, absolument. J'ai fait d'autres disques avant. Hein. J'avais signé chez Warner dans les années 80. J'avais signé chez AZ. J'ai cherché sur Internet. C'est assez difficile à trouver. Il y en a. Il y en a, okay. Oui, tu me reconnaîtras pas. Tu me reconnaîtras sûrement pas. Hein. Okay. Il y en a. Si tu vas sur YouTube, il y en a. Il y a pas mal de choses sur YouTube. Mais les albums n'existent plus. Ah non, les albums n'existent plus. Oui, tu as raison, absolument. Non, c'est terminé. Tu sais, c'était des vinyles à l'époque. Aujourd'hui, les vinyles, hein, ce sont des pièces. Ouais, j'ai des vinyles, moi. J'ai une platine qui peut transformer. Ah oui. D'accord. Bah ouais, d'accord. Ça existe. Mais je t'enverrai. Alors, si tu veux, je t'enverrai parce que j'ai. Les deux faces A des 45 tours avaient été rééditées, donc je les ai en MP3 de parfaite qualité. Si tu veux, je te les enverrai de l'époque. Bon, tu verras. C'est réalisé avec... Le premier s'appelait Go-Go Dancer. C'était réalisé par Thierry Mathiosek, mais avec des musiciens qui avaient joué justement avec Bowie et Iggy sur The Idiot. Et le second disque était réalisé par Peter Murray, par des Écossais. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu un champignon sur un arbre à l'époque, en France. Hein, j'étais un peu, tu verras, il y a des vidéos d'ailleurs, je pense que ça va te faire rire. Mais est-ce que tu es genre aligné ce que tu étais? Pas du tout. Ah non, je ne renie rien de rien. De rien. Rien de rien. Même les conneries que j'ai faites, je les assume, c'est fait. Tu as cheminé de nos erreurs. De toute façon, on a besoin de faire des erreurs. On ne peut grandir qu'en faisant des erreurs. On ne peut apprendre qu'en prenant des claques. Et voilà. Je regrette absolument rien du tout, mais rien du tout. Non, rien. Et comment s'est passé ton album? Comment tu voulais? Comment tu... C'était un peu une surprise en fait, hein, parce que ça faisait un moment que j'avais arrêté de chanter. J'avais sorti un album hommage à Che Guevara, qui a été un album qui s'est vendu tout autour du monde, parce que j'ai passé beaucoup de temps en Amérique du Sud. Okay. Et j'avais travaillé avec beaucoup de grands musiciens sud-américains, comme Mercedes Sosa, comme Soledad Bravo, comme Angel Parra, qui est chilien. Et j'avais retrouvé des tas de chansons concernant le Che, en fait. Beaucoup avaient disparu, avaient été mises de côté, où les bandes avaient été détruites par les dictatures successives. Tu sais, c'était assez particulier. Et puis j'avais fait une chanson à l'intérieur. Voilà, il manquait une chanson, j'ai pris ma guitare et j'ai fait une chanson. There's laughter always, many people and days, it's all over today. Baby Jane dances like a rag doll, nothing could bring her down. She's alright, floppy dress and wigs to walk around. You get off the ground, get ready for the fray. Blow a kiss, pick a bow and be yourself. Forget the pain and the rain. Be alright. And the sun will rise up here one day. Fish belly pale on Sundays. No more lonely days. Baby Jane dances like a rag doll in the land of nuts. She's alright. Broken dreams in a world of fairies. Broken dreams and the queen of hearts. I've lost the pride. But the tears are like candy, and the lips are so rosy. Don't tell anyone a day she'll die. Sur CKRL-MF de 89.1 à Québec avec Reynald Gagné. Il s'appelle La Canción del Indio Libre, la chanson de l'Indien Libre. Et puis il s'est avéré qu'il y a eu pas mal de... Enfin, le disque s'est très bien vendu à l'époque, c'était une grande surprise, hein, une surprise totale. Trois fois disque d'or, ça s'est vendu partout en Russie. Et j'ai eu pas mal de retours sur cette chanson notamment, donc je me suis dit tiens, c'est marrant, hein, c'est marrant. Et... Voilà, j'ai pu faire une chanson, visiblement les gens aiment bien. Et puis c'est Pierre, c'est vraiment Pierre qui un jour m'a dit, mais... Il y a combien d'années ? Ah, c'était... écoute, ça fait 4 ans, ça va faire 4 ans de ça. C'est assez récent, 4 ans. Et Pierre m'a dit, écoute, il faut que tu te remettes à chanter, il faut vraiment que tu te remettes à chanter. Tu faisais avant d'écrivais, c'est ça t'es... Oui, j'écrivais, absolument. Absolument, à l'écriture, absolument. J'étais parti. Non, j'en vivais parce que j'ai fait ce qu'on appelait le journaliste, c'est-à-dire que je mangeais grâce à ça, j'écrivais partout Partout où on me demandait d'écrire, j'écrivais. J'ai fait des carnets de voyage, j'ai fait des critiques littéraires, des critiques de livres, plein de choses comme ça. J'en vivais, ça me permettait d'en vivre. Puis à côté de ça, j'écrivais mes romans, quoi. Mais on n'en vit pas vraiment. C'est très difficile de vivre de ses romans, quoi. À moins d'avoir un coup de bol et d'avoir un livre qui est adapté au cinéma, voilà. Mais c'est un sur 10 millions, quoi. Donc, alors Pierre t'a comme incité à... Absolument. Et puis il y a aussi une personne qui est au milieu qui s'appelle Armand Altaï, qu'on a connue, qui est une chanteuse magnifique, mais qui est devenue extrêmement populaire parce qu'elle a été la professeure de chant de la Star Academy à l'époque. Et Armand... Oui, tu as fait un spectacle avec Armand. Bien sûr, et Armand me disant, il faut que tu rechantes aussi. Donc, pris en stéréo entre Pierre et Armand, je me suis... Et le spectacle s'est fait il y a à peu près 3-4 jours. Oui, là, c'est le spectacle des classes de chant d'Armand, parce que je travaille avec... Je prends toujours des cours de chant, hein, je ne cesserai de prendre des cours de chant tout le temps. Je travaille ma voix tout le temps. Et je lui ai envoyé des missiles sur son site officiel. Oui. Et j'ai absolument rien reçu. J'espère que l'année prochaine, tout ça va se faire. D'accord. Mais elle est magnifique. Il y a quelque chose d'assez. Ah, bien, tout à fait. Mais si tu veux la rencontrer avant que tu partes, il n'y a pas de problème. Si tu veux rencontrer Armand. On peut rencontrer Armand demain si tu veux. On va essayer de la rencontrer. Est-ce que c'est une femme du matin? Comment? Est-ce que c'est une femme du matin? Pas trop. Okay. Non, pas trop du matin. Je suis très chargé malheureusement demain, mais on se reprendra en 2016. Ah, écoute, autrement avec plaisir. Si j'avais su, je dînais avec Armand hier soir, vois. Je la vois beaucoup, on travaille beaucoup ensemble. Elle prépare un nouvel album avec des textes de Boris d'ailleurs. Et elle va chanter une de mes chansons dedans d'ailleurs aussi. Et vous étiez en train de parler de la composition que tu lui as faite? Non, on parle de plein de choses, on a un rapport d'amitié. Mais qu'est-ce que Pierre t'a amené pour que tu puisses reprendre le micro? Pour te convaincre, est-ce que ça a été... Il m'a juste redonné confiance en moi, c'est-à-dire que j'avais perdu une certaine confiance en me disant... je sais pas, j'avais plus très envie de chanter. C'était écœuré de voir ce que l'industrie était rendue. Oui, j'étais écœuré de voir ce que le business était devenu, c'est-à-dire que... Chaque fois que j'avais été dans des maisons de disques, j'ai travaillé en maison de disques, hein, j'ai été directeur artistique aussi pendant 12 ans, dans un label qui s'appelait Last Call, qui était l'extension d'un label qui s'appelait New Rose, voilà, qui avait signé d'ailleurs les Berruriers Noirs, Calvin Russell, enfin des tas de gens. Donc, Le deuxième, c'est qui? Calvin Russell. Oui, Berruriers Noirs et Calvin Russell, oui. Un Américain, chanteur américain de blues. Qui a été, alors peut-être que vous ne le connaissez pas trop, Il est mort. Voilà, absolument. Je l'ai vu au cercle de minuit, guitare-voix. Voilà, absolument. C'est là qu'il s'est fait connaître. Voilà. Il était inconnu même dans son patelin. Absolument. Ou Screaming Jay Hawkins, par exemple. Tu connais Screaming Jay Hawkins? Oui. I put a spell on you. Je le connais, mais il a fait carrière vraiment à la fin de sa vie. Mm-hmm. Absolument. Oui, magnifique. Donc voilà. Donc j'ai travaillé, j'étais directeur artistique. J'ai aussi travaillé, c'est moi qui ai réédité, par exemple, je sais que elle est connue au Canada, c'est moi qui ai réédité au Québec, oui, pardon. Non, je reprends, vas-y. Tous les disques de Marie Laforêt. Ben oui. Voilà. Voilà. J'ai travaillé avec Marie pendant plusieurs années. Elle vit en Suisse maintenant, elle vit en Suisse, retirée. C'est quelqu'un qui a un talent fou, c'est une magnifique rencontre pour moi, j'ai adoré Marie, hein. c'est quelqu'un de très précieux, mais bon, elle est sauvage, voilà. Mais elle va peut-être, je vous dis, peut-être faire un coucou un de ces jours, peut-être. Un coucou, hein? Un de ces jours, musical, peut-être. Voilà. Il y a quelque chose peut-être qui se trame, si elle va jusqu'au bout, voilà. Mais est-ce que tu es derrière ce projet-là? Non, je ne suis pas derrière ce projet-là, non. Okay. Non. J'ai été derrière d'autres projets, mais pas celui-là. Je la laisse revenir tout doucement, mais je vais la croiser, de toute façon, je la croiserai, voilà. Et Pierre t'a redonné le coup de prendre le micro, la guitare? Oui, c'est ça. Pierre me disant, écoute, il faut que tu reprennes ta guitare, il faut que tu te remettes à chanter, fais des chansons. À l'origine, il m'a demandé si j'avais une ou deux chansons voilà, pour peut-être des artistes qu'il avait envie de produire. Et puis, une fois que je lui ai chanté les chansons, déjà, oui, Pierre m'a dit bah, prends ta guitare et chante-les-moi. Alors, je les ai chantées. Puis, il m'a dit bah, non, là, c'est toi qui dois les chanter. Voilà, donc voilà, tout doucement, avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de tendresse et de patience, il m'a ramené à la joie et au désir de chanter. Oui, absolument, il m'a apprivoisé, j'aime beaucoup ça, t'as raison. Il m'a vraiment apprivoisé, totalement. Tranquillement, ça s'est peaufiné. Oui, ça s'est fait gaiement et avec une sorte de naturel et de logique très douce, vraiment. C'est, chaque fois, il me demandait des chansons, alors je me mettais, j'écrivais des chansons, et puis il me disait « Ah, ça, c'est génial, ça, il faut qu'on la fasse. » Et puis, un jour, il s'est mis à ses claviers en bon sorcier du son qu'il est, et puis il a commencé à me dire voilà, j'ai fait ça, j'ai trouvé ça super beau, et puis les choses se sont faites comme ça, se sont enclenchées, ça s'est fait mais vraiment très très naturellement, avec une grande douceur. Quelle est la différence selon toi entre le roman et la chanson dans l'écriture, à part la durée, la longueur bien sûr du texte? Tu dois vraiment s'écriser? L'écriture d'une chanson, par exemple, je trouve que c'est beaucoup plus cinématographique. C'est-à-dire que j'essaie en tout cas, en 3 minutes, de raconter une histoire. Voilà, absolument, une sorte de polaroïde, tu vois. Brel l'a fait magnifiquement, enfin d'autres, il y en a plein qui l'ont fait magnifiquement, mais j'ai réécouté Beko la dernière fois aussi, Aznavour, tu vois, La Mama, ou je sais pas, c'était la chanson, en 3 minutes, tu as tout, tu as les odeurs, tu as le lieu, tu as... les voix chuchotées, l'époque, absolument la couleur, c'est ce que j'essaie de faire un petit peu à mon niveau, à ma sauce. Un roman, c'est autre chose. Un roman, tu peux développer vraiment, c'est beaucoup plus introspectif, tu vas chercher loin, tu peux aller beaucoup plus loin aussi dans un roman parce que tu as le temps justement de pouvoir aligner ligne sur ligne, tu vois. En même temps, lorsque tu amènes la concision de la chanson, c'est une certaine jouissance que provoquer et d'amener un propos immédiat. Bien sûr, absolument. Bien sûr. Puis il y a un autre paramètre aussi qui est très important, c'est qu'il faut que les mots sonnent. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'il faut que les mots sonnent, il faut que les mots soient musicaux, il faut que les mots. Il faut amener une certaine poésie beaucoup plus. La poésie, on peut l'amener aussi dans l'écriture, hein. Je la traque dans l'écriture et dans la chanson aussi, mais sur une chanson, c'est peut-être plus compliqué. Est-ce que c'est la musique qui fait sonner les mots ou c'est les mots qui font sonner? Les deux. Je crois que les deux. Je crois que les mots doivent faire sonner aussi. Hein. Quand on travaille avec Armande, justement, le chant, on se rend compte qu'il y a une façon de prononcer. Bon, là, c'est un peu technique, mais les dentales, les palato-dentales, etc. Tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle enseigne, mais lorsqu'elle chante, Elle explose tout. Elle ne suit même pas les indications qu'elle enseigne. Ah si, parce que en fait, Armande, elle maîtrise profondément. C'est quelqu'un qui a une maîtrise. Bon, c'est une chanteuse à la base, c'est une chanteuse lyrique. Hein. Donc, je pense que comme tous les grands artistes, c'est-à-dire qu'une fois que la maîtrise est là, elle semble disparaître. C'est ça, hein, elle semble disparaître. Mais elle est là et ils s'en servent profondément. Comme les peintres, on a l'impression qu'ils ont perdu leur maîtrise, mais ils gèrent parfaitement. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle est toujours... Moi qui la connais bien maintenant, je vois qu'elle est toujours... elle est toujours dans la maîtrise des choses, dans la respiration, la prononciation. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un chuintement. C'est nasalisé. Elle se sert de tous ses résonateurs, même si ça paraît fou, en tout cas elle maîtrise profondément. Sur l'album de Topperman, c'est une hallucinante. Encore la chante pour toi. Des câlins, des quartettes, des sourires, sourires sur vos physique, là. J'ai pas téléchargé les chansons, j'ai les physiques. D'accord. Parce que je voulais avoir les pochettes puis tout ça. Et j'écoutais sans savoir qui chantait là. Et à un moment donné, bien, ils ont fait appel à Diane Dufresne, là, je me dépêche. Il me semble qu'elle a pris l'accent, ça me surprend. Là. J'étais un peu déçu de voir qu'elle avait pris l'accent français. J'ai dit bon doux, c'est. Là je regarde. Oh oui, c'est. Puis le 2 mois avant, j'avais essayé de rentrer en communication avec. Et 2 mois plus tard, je l'entends. Je dis, c'est génial, incroyable. C'est un signe. Ah oui. C'est un signe, c'est que tu dois la rencontrer. Oh, tu dois absolument la rencontrer. C'est quelqu'un de magnifique, tu verras. Quel talent, mais quelle extravagance sonore aussi. Elle est. Oui, oui, mais je crois qu'elle est elle. Elle est. Tu sais, je pense que. Elle semble extravagante aujourd'hui Oui, mais je crois qu'elle est elle. On a tendance, enfin, c'est-à-dire que le business a eu tendance à plutôt, je pense, à planir les choses et vouloir que les gens, on le voit aujourd'hui beaucoup, il faut que les gens chantent tout un peu de la même façon. Et je vois par exemple les comédies musicales, il y a plein de comédies musicales que j'adore, mais je pense que la comédie musicale aujourd'hui peut être aussi dommageable dans le sens où j'entends des nouveaux chanteurs, des gens, plein de filles, plein de garçons qui chantent, qui ont des voix sublimes, et ils chantent tous de la même façon parce qu'il y a toujours une espèce de dictature. Armande a chanté comme elle avait envie de chanter, comme Diane Dufresne, que j'adore Diane Dufresne, hein, je l'adore. pour plein de raisons, parce que je trouve que c'est une grande chanteuse. Et c'est la liberté aussi. Oui, et je la voyais dernièrement, je suis retombé sur une ancienne émission où elle racontait qu'elle avait hébergé chez elle au Canada, au Québec, hein, un chanteur russe qui s'appelait Vladimir Vysotsky. Et que j'aime infiniment. Et donc, de savoir qu'elle avait hébergé Vysotsky avec Marina Vladi, qui était son épouse à l'époque, ça m'a fait... Elle a également fait appel à Jean Quigelin pour une mise en scène. Absolument. Unique. Un spectacle seulement, un soir seulement. Oui. Deux spectacles différents en deux soirs différents. Oui. C'était quelque chose d'assez... Oui. Alors, je me demande si c'était pas un spectacle qu'il faisait avec Armand, justement. Tu vois, la filiation. Okay. Parce qu'il y a eu, pendant en France, pas au Québec, il y a eu pendant un long temps un spectacle qui a été proposé qui s'est joué au Cirque d'hiver, qui était absolument sublime, où Armand était perché sur une balancelle comme ça, à 7 mètres de hauteur, avec une traîne qui couvrait toute la scène, etc. Il y a un disque qui a été enregistré. Et je crois bien que c'est Diane qui avait repris un peu le rôle d'Armand à Québec. Ok, ça c'est en 75-76. Absolument, tout à fait, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Mais la création, c'est aussi des influences. Hein. C'est pas une... On ne peut pas échapper à ça. Hein. Ouais, ouais. On est nourri que par... on est bombardé. Hein, on est bombardé par toutes les choses. C'est pour ça que je citais Bowie. Bien sûr, ce sont des gens, ce sont des maîtres, ce sont des mentors, ce sont des gens qui nous ouvrent des portes. Ce sont eux qui nous donnent envie. Et je leur rends grâce à tous. Bon, moi, il y en a plein dans ma vie, hein, mais pour moi, c'est un devoir de leur rendre grâce, absolument. Aujourd'hui, une fois que ton album est lancé, as-tu cette urgence-là d'en préparer un autre? Ben, on est en train, ça y est, on est en train d'en préparer un autre. Avec Pierre, toujours? Je ne sais pas, on va voir. Parce que Pierre s'en va là, dans quelques jours. Absolument, et puis je sais que Pierre est très occupé parce qu'il fait plein de choses. Oui. Mais si ça peut se faire avec Pierre, en tout cas, c'est sûr qu'il y participera. En tout cas, je suis au stade de l'écriture, là. Ça y est, c'est en train de... Es-tu du genre, en écrivant, à trouver ton équipe, à essayer de voir qui pourrait se joindre à... Oui, ça commence. C'est-à-dire que l'équipe, je commence à la trouver, mais au niveau, on va dire, accompagnateur, on est à peu près 6 sur scène. Maintenant, là, on a fait un concert au théâtre de Ménilmontant, c'était incroyable. On est 6, il y a 2 percussionnistes, on est 3 guitares, un violon. Amel, qui est une violoniste magnifique, qui est la première violoniste de l'Institut du Monde Arabe, et qui joue avec un violon dressé debout. Donc voilà, l'équipe. Absolument. Donc on est 6 et il y a un grand plaisir maintenant à travailler. Moi je compose et puis on est en train de faire naître ces chansons ensemble. C'est vraiment un bonheur, voilà, pour l'instant. Il va y avoir un nouvel album, bientôt je pense, enfin le plus tôt possible. Est-ce que c'est une possibilité du premier où ça n'a rien à voir, le son a changé? Je pense que le son va changer, je pense qu'il va être beaucoup plus festif, okay. Un peu plus léger. Un peu plus... Le premier est traversé par une mélancolie, est assez mélancolique. Et j'adore la mélancolie, hein, c'est quelque chose... Je l'ai voulu profondément, et je ne renierai rien, absolument rien, au contraire. En même temps, c'est un peu le Nick Cave, un peu l'environnement sombre, de l'introspection... Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense que le second va être un peu plus festif, un peu plus fleuri, voilà. Spectacle, est-ce que tu t'imagines que les deux albums vont bien s'amalgamer? Bien sûr. Mais déjà, tu sais, en spectacle, je chante beaucoup de choses qui ne sont pas dans l'album, parce que je chante en plusieurs langues. Je chante en italien, je chante des poèmes de Pasolini sur scène, je chante Félix Leclerc. Le petit bonheur, ça fait partie de mon répertoire depuis. Tu peux vous la chanter tout à l'heure? Je pourrais vous la chanter tout à l'heure avec plaisir. Okay. Je pourrais vous la chanter tout à l'heure avec plaisir. Je chante en espagnol, je chante en quechua qui est la langue des Incas, je chante en nahuatl qui est la langue des Aztèques. Voilà, je chante en allemand, je chante en plein de langues. Donc j'ai pas peur, si tu veux, sur scène, c'est une sorte de boîte de boîte à musique comme ça, avec des tas de choses différentes. Moi j'ai pas du tout peur du mélange, voilà, j'ai pas du tout peur de ça. Ça ouvre ton ouverture au monde. Ah, il faut, le monde est tellement sclérosé. Est tellement plein de richesses. Oui. Ne pas s'ouvrir, ce serait triste de ne pas s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Parce que quand tu t'ouvres, tu dois te remettre en question. Donc, c'est le côté inconfortable du déséquilibre qui dérange aussi pour plusieurs. Et pourtant, une vie, c'est très court, tu sais. Une vie d'homme, c'est tellement court. Il faut pas gâcher ça. C'est juste la seule chose que j'ai envie de dire. C'est-à-dire, ça va très, très vite. Nous ne sommes que des locataires, on est là pour très peu de temps. On passe comme l'herbe des champs, hein, disaient les Amérindiens. Il faut manger à tout, il faut goûter à tout, il faut sourire parce que tout est merveilleux autour de nous, absolument tout est merveilleux. Vraiment, vraiment, vraiment. Même s'il y a plein de choses difficiles, hein. Vivre n'est pas un exercice facile non plus, mais cette impermanence, c'est terrible. Surtout perdre les gens qu'on aime, ça c'est absolument terrible. Mais quand même, il y a toujours... Tout est source d'émerveillement, mais vraiment, je le pense vraiment. Ah oui, oui. C'est pour ça que je dis qu'il faut essayer de garder l'enfant en soi intact. La capacité d'émerveillement, garder intact sa capacité d'émerveillement, pour moi, c'est fondamental. Fondamental. J'ai 10 questions, on va voir où ça va nous amener. Si tu étais un liquide... Si j'étais un liquide, je serais un parfum. Lequel? Oh, le patchouli. Si tu étais une ville... Si j'étais une ville... Ah, je serais Buenos Aires, je serais Buenos Aires parce que j'aime l'Argentine d'amour. Ou Rio de Janeiro, parce que c'est, pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Trop dangereuse, hélas, ouais, mais c'est ça, tellement belle. Ça a changé beaucoup, hein, c'est de plus en plus violent. C'est terrible, je me suis fait agresser deux fois à Rio. Pour moi, c'est agressé, la plus... Ah, agressé dans la rue, vraiment agressé. Comment ? Non, j'ai eu la chance de d'échapper au coup, si tu veux, mais agressé. On a essayé de me voler mon sac, on a essayé... C'est encore un amour. Ah, complètement. J'ai vu la misère, parce qu'à Rio, je suis allé quand même dans les favelas, donc j'ai vu la misère. Je comprends tout ça. Je comprends, même si c'est terrible, même si quand on en sort, on est fou furieux, mais surtout triste. C'est surtout triste. Je comprends. Voilà, Rio ou Buenos Aires. Buenos Aires et son tango, Buenos Aires et sa nostalgie, je l'aime d'amour cette ville. Si tu étais une langue? Je serais le Guarani, une langue amérindienne, cette langue qu'on parle au Paraguay, qui est le pays le plus oublié des hommes et des dieux. Et j'ai passé un peu de temps à Asunción, j'ai traîné un peu au Paraguay. J'y ai ramené des légendes Guarani amérindiennes qui sont d'une beauté sans nom. Et ça serait le Guarani. Si tu étais une époque. Ah, je serais le 19e siècle. Je serais le 19e parce que j'adore la littérature du 19e siècle. Parce que je suis amoureux d'Alphonse Daudet. J'aime Alphonse, mon Alphonse, comme je dis tout le temps, d'amour, qui était un maître des tendresses. Hein, et j'aurais rêvé de le croiser sur un trottoir. J'habite tout à côté de chez lui, j'habite à côté d'où il habitait. Et je l'imagine toujours. Il était beau en plus, Alphonse, c'était une beauté absolument. Il était myope et beau. Et je l'imagine dans sa redingote noire de velours avec sa lavalière, et j'imagine que je le croise. Voilà. Donc voilà, le 19e siècle. My love, and let me go. In your gone metal eyes linger the crimes I paid you for. I will burn a cold box, the prison you know, longer there. Am I too shy to stop a sleazy detail of the case? Your campfire lit face glows like a ghost into the dark. I hear a broken bell. Is it a spell? Is it my heart? Baby blue eyes has gone away. So silent, honest, I'm a tame. Baby blue eyes, your name of love is written with mine on the pole. Baby blue eyes far in the sky, lights up and juggles with the stars. Baby blue eyes, with a clock's tick, can turn my poison into milk. is for saints and waters are made but drowning. A message has been sent and flies in the quick of the wind. Don't blame the troubadour when rosy ladies bet us one. When prayers beg for more, wrapping their wings upon the sky, baby blue eyes has gone away. So silent on a summer day, baby blue eyes, your name of love is written with mine on the bowl. Baby blue eyes far in the sky, lights up and travels with the stars. Baby blue eyes, wave a clock's tick, can turn my poison into milk. Baby blue eyes has gone away, so silent on a summer day. Baby blue eyes, your name of love is written with mine on the bow. Baby blue eyes far in the sky, lights up and juggles with the stars. Baby blue eyes, with a clock's tick, can turn my poison into milk. Est-ce que je peux être deux mots? Alors je serai amour et merci parce que ce sont pour moi les deux plus beaux mots de la langue française. Si j'étais un aliment, oh, je serais un fruit. Je serais un fruit. Ah oh, oui, défendu, bien sûr défendu, absolument défendu, obligatoire, sans exception, oui, un fruit défendu. Si tu étais une saison. Ah, je serais le mois de mai. Voilà, le mois des fleurs, ce mois tellement... Absolument, ce mois-là, le mois des fleurs, voilà, je serai le mois de mai. Et c'est le mois de mes allergies. Ah oui, moi aussi, tu vois, je suis pas rancunier, hein. Moi aussi, c'est terrible, je pleure, j'ai le nez, ouais. J'ai le nez qui enfle comme un melon de Cavaillon du sud de chez moi, mais voilà. Si tu étais un membre corporel... Si j'étais un membre corporel, je serais une main. Je suis la main parce que je serai une main, mais une main qui crée, une main qui caresse, mais pas une main qui détruit. Voilà. Une main humaniste. Ah oui, une main d'amour, une main de tendresse, une main paternelle et une main maternelle aussi. Si tu étais un moment de la journée, ce serait le crépuscule. Ce serait le crépuscule parce que j'adore ce moment-là, parce qu'il me rend souvent triste et il m'inspire beaucoup. Pourquoi ça te rend triste? Je sais pas, c'est peut-être quelque chose de oui, c'est absolument, t'as raison, c'est quelque chose de ma jeunesse, je pense. Il y a, oui, il y a quelque chose de... On bascule vers une petite mort, quelque part. Ça annonce aussi le sommeil, le coucher, quand on est enfant. Oui, tout à fait. Mais en même temps, adulte, ça n'amène pas une certaine frénésie. La création peut se laisser... Bien sûr. Caresser. Bien sûr, absolument. C'est, tu sais, en Provence, ces crépuscules sont absolument sublimes, surtout en été, quand tu as le jasmin, par exemple, qui baille son parfum. Hein, à ce moment-là, le ciel devient mauve. Le jasmin, le chèvrefeuille, toutes ces odeurs autour de toi. Les cigales commencent à avoir un chant différent. Ça annonce la chaleur aussi. Ah oui, mais la chaleur se repose, si tu veux. En Provence, dans la journée, c'est le cagnard qui tape, qui brûle, qui fend les pierres. Tandis que là, les choses commencent à devenir plus douces. Et c'est un moment absolument sublime. Et on va doucement vers la nuit. Mais on y va très, très doucement parce qu'à 23h, le ciel est encore translucide, tu vois. J'aime ce moment-là, voilà, j'aime ce moment-là. Si tu étais un autre individu ? Si j'étais un autre individu, je serais... Je serais quelqu'un qui travaillerait... parmi les chiffonniers du Caire, ou si j'étais un autre individu, c'est terrible, la question est très difficile hein, pour moi. Si j'étais un autre individu, je serais un extraterrestre, dans un OVNI. Plus extra qu'intra. Ah ouais, je serais un extraterrestre dans un OVNI, voilà, et je viendrai essayer de voir ce qui se passe sur cette belle planète bleue, et peut-être que j'amènerai mes enfants extraterrestres en leur disant, vous voyez, regardez bien, ne faites jamais ça. Voilà, voilà, ça serait des enseignements. Je serais un extraterrestre professeur. À choisir, est-ce que tu ferais la même chose ? Ah oui, oui, oui, oui, oui. Absolument, absolument. Avec les réussites, les erreurs, Ah oui, oui, oui, oui, j'assume absolument mes erreurs. Je les assume totalement, bien sûr, bien sûr. J'ai pas de regrets. J'ai absolument aucun regret. Les seuls regrets, c'est que... J'aurais voulu que certaines personnes autour de moi vivent plus longtemps. Voilà, si ça sera à refaire, je distribuerai des bonus de vie. Voilà, parce que j'ai perdu des gens, certaines personnes sont parties tôt, et c'est ma seule douleur. La maladie, malheureusement. La maladie, oui. Et même mon toutou, j'ai perdu mon toutou à 14 ans, et si je pouvais, je lui offrais... Comment ? Quelle sorte de chien ? C'était un coton de Tuléar. Qui était. Il disait pauvre toutou, c'est moi qui bois, c'est lui qui est mort. Absolument. Et peut-être par un sponsor, tellement qu'il buvait mes paroles. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que quand tu as un toutou, tu vis une espèce d'osmose et de. Voilà, et de. Un échange, c'est très fusionnel en fait. Voilà, non, vivre la même chose. Mais juste avoir la possibilité, le pouvoir fou hein, et inespéré de pouvoir distribuer des bonus de vie. Voilà. Se mais avec plaisir. À 19h30. Avec grand plaisir. Pour un mini spectacle. Avec grand plaisir. 4-5 titres, génial, génial. Avec le petit bonheur de Félix. C'est promis. On va le ressusciter. On va le ressusciter. J'adore Félix Leclerc. J'adore Félix Leclerc. Vraiment. As-tu déjà visité l'île d'Orléans ? Non. Tu connais le tour de l'île de Félix ? La chanson Le tour de l'île ? Oui, absolument, absolument. Oui. Non, c'est vrai ? Non, je ne connais pas. J'ai eu la chance de visiter Montréal, de visiter Québec. Oui, mais Québec, ça est juste à côté. D'accord, non. L'île est greffée à Québec, donc tu peux faire le tour de l'île en 20-25 minutes. Et les Lanaudières, c'est ça ? Lanaudières ? Oui, c'est... Non. Non, c'est plus loin que Québec. Là où je suis allé faire du traîneau à chien et tout ça, voilà. Oui, oui, oui. Mais oui. Non, je sais pas. Je reviendrai. Mais ouais, comme Charlebois, absolument. Je viendrai acheter des ouvrages des mines, les Liganes. Et manger de la poutine. Ah, bah, avec plaisir. Et se sucrer le bec avec du sirop d'érable. Oui, le sirop d'érable. Voilà. Du caribou. J'adore. Oui, oui, oui. Au mois de janvier. Oui, oui, absolument. Ça, c'est un genre de porto québécois, oui, mystérieux, venu d'ailleurs, amené par les extraterrestres, mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Non, ça, il ne faut pas le dire. Ça, non, c'est un mystère. Ça, c'est notre secret. Et ça. C'est payant, le mystère. Parce mais qu'on oui. peut faire croire n'importe qui. Mais bien sûr, à bien n'importe sûr. N'importe qui, surtout les ignares. Plus tu es ignare, plus tu peux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, et comme disait Brassens, quand on est con, on est con. Oui, mais tu sais, en même temps, raconter des histoires, c'est aussi le propre des écrivains. Jean Giono disait, on juge le talent d'un écrivain lorsqu'il vous raconte des tas d'histoires et que les gens y croient. Oui, tu vois. Non, mais quand tu sais... Un conteur. Oui, c'est ça, mais quand tu sais oui. que tu vas te faire embarquer dans une histoire, non, mais pas ça... lorsqu'on te fait croire que... Ah que oui. Un premier ministre ou un ministre peut faire croire quelque chose et que tout ça est faux. Là. C'est pas un créateur, un ministre. Je pense que tu parles de Paul Elière. Je parle de tous les gens qui nous dirigent. D'accord. Pas juste une personne, c'est pas juste la. D'accord. Oui, mais ça, c'est de l'abus de pouvoir, ça, c'est de la manipulation, ça, c'est. Mais non, mais c'est pas juste ça, là, c'est plein de choses. Au Québec aussi, il y en a. Mais nous, c'est pareil. Ici, tu sais, c'est. Le mensonge et la mainmise totalitaire sont là. Mais on vit une époque comme ça, de toute façon, on vit une époque comme ça. C'est pour ça qu'il faut le décrier. Absolument, restons libres. Et voilà. Restons libres. On se voit en spectacle tout à l'heure. Reynald. Vers 19h, mais tu peux arriver à 20h, 21h. C'était un plaisir. Je peux passer vers 20h, 21h, c'est pas ça? Pas de problème, oui. Génial. Tu seras un des derniers à passer, donc la foule. Et ben, je vais venir avec ma guitare. Excellent. Voilà. J'ai hâte de t'entendre. Bah écoute, mon ami Félix, hein. C'est promis. Excellent. Ce sera pour toi. Un petit bonheur. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il me vit passer, il se mit à crier: Monsieur, ramassez-moi, chez vous, menez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir. Quelle balade! Je me ferai petit, tendre, insoumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, il faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais des coups de la commencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais: Ah, c'est toi que j'aime. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis. Ça se voyait sur mon front, or un matin joli, que je sifflais ce refrain. Mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'ai beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans peine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Et puis je me suis dit, hey, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton et peine, mes deuils et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Oh, oh, yeah. C'est une chanson de Félix Leclerc. Ouais. Québécois. Une chanson magnifique. Magnifique Félix Leclerc. Ouais. Et la vie est faite de ça, de tout petit bonheur. Il faut pouvoir les voir, il faut pouvoir aiguiser son œil pour les repérer et en profiter. Voilà. Le soleil, les martinets qui passent là, par exemple, les martinets qui viennent de très loin, ils arrivent en avril, ils repartent fin août. Ça, c'est un vrai bonheur aussi. Souvent, je les regarde et je les entends le matin, le soir. Voilà. Ils chantent leurs belles chansons. Et ils portent sur leurs ailes d'étranges secrets. Ça aussi, il faut savoir les trouver, ces secrets. Et tu veux nous interpréter de tes propres compos? Oui, alors... On parlait de soleil aujourd'hui. Moi, j'ai grandi pendant quelques années en Provence. Et à force de jouer sous les ciels brûlés de Provence, invariablement, je saignais du nez. Alors pour rendre hommage à cet âge perdu, révolu, mais très hémorragique, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Noseblade Holidays ». Ça veut dire, on peut traduire ça par « les vacances pendant lesquelles je saignais du nez ». Et voilà, c'est une chanson sur les saignements du nez intempestifs des jeunes garçons en Provence. Remember when I was a boy, the days were long and bright. My brother was a warrior under a cowboy hat. Where is my Indian brother? rainy day was black. So barefooted boys racing with the sun, oh how could they know the fire from the burn? The duty man is back, stumbling through the night. He carries back some memories he brings back to me. Nosebleed holidays. Remember when I was a boy, my Indian brother said, forever I walk on your road, forever on your way. Stone smooth as skin on my brother's grave, clad in a spring, lay a sleepy head. The juju man is back, he's crooning through the night, and he sings a sad ragged tune. He's singing my bloody blues. Nosebleed holidays. Bright is the moon tonight. Red is the blood from my nose. Yes, sir. Yeah. C'était un petit blues. Voilà. C'est extrait de ton album. C'est extrait de mon album, absolument, oui. Nosebleed Holidays, oui. De l'album All the Glory. Pourquoi la composition en anglais? Parce que pour moi, c'est extrêmement logique. L'anglais a été la seconde langue que j'ai apprise et qui est pour moi extrêmement familière. Et les mots me viennent aussi en anglais, en français, mais je compose en plein de langues. Je compose en espagnol, j'ai fait des disques en espagnol. Je chante en italien, je pourrais vous chanter une chanson de Pasolini, oui, tout à l'heure sur un très beau poème de Pasolini. Je chante en allemand, je chante en nahuatl, oui, hein, qui est la langue des Aztèques. Je chante en quechua, qui est la langue des Incas. Je suis un polyglotte assumé. Voilà, et là, tu vas nous chanter bien. Je ne sais pas, vous voulez une chanson en italien, par exemple? Oui, oui, oui, oui. Une très belle chanson de Pasolini, qui s'appelle I ragazzi, et qui dit en gros... Les garçons là-bas dans le champ se moquent bien du temps qui passe. Ils plongent dans le fleuve pour pêcher une médaille. Les garçons là-bas dans le champ attrapent un fou, ils l'étranglent à pleine main et vont le brûler sur le rivage. Les garçons là-bas dans le champ donnent la chasse aux bourgeois, ils leur arrachent leurs dents en or et vont les vendre au marché. Mais toi, toi, fille de la lune, fille de l'étoile du matin, offre à ces beaux garçons les caresses d'un ciel immense. Pier Paolo Pasolini, rien de moins. I ragazzi giù nel campo non si curano del tempo, ma si buttano dentro fiumi per pescare la croce premio. I ragazzi giù nel campo danno la caccia ad un pazzo, poi lo strozzano con le mani e lo bruciano in riva al mare. Vieni figlia della luna, della stella mattutina, che regala questi ragazzi le carezze del gran cielo. I ragazzi giù nel campo con la caccia ai borghesi tagliano a pezzi le teste dei nemici e dei fedeli. Lai, la lai, la lai, la lai, Rami rosmarino e camufano buche pozzi per acciuffare le ragazze. I ragazzi giù nel campo alla caccia ad un ricco li fanno togliere i denti d'oro e li portano al mercato. Vieni figlia della luna, della stella che regala questi ragazzi le carezze del gran cielo. I ragazzi giù nel campo non posseggono memoria, perciò vendono gli antenati, poi son presi da tristezza. Lai, la lai, la lai, la lai, la lai, la la lai, la lai, la lai, la lai, la lai, la lai, la lai. Wow, grazie mille. Ça sonne bien l'italien. Ça sonne tout de suite très bien, l'italien. Oui, c'est très beau. Très. Et c'est un très très beau poème de Pasolini. Je ne sais pas s'il est populaire au Québec. Grand réalisateur. Il a écrit beaucoup de poèmes. Il a écrit énormément. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, il a été avant tout écrivain. C'est-à-dire qu'il a commencé en écrivant des recueils de poèmes. Il a écrit des romans qui ont fait scandale. Il y a un roman qui s'appelle Les Ragazzi, les garçons. Un roman qui s'appelle Une vie violente. Il a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis il a tourné 20 films. Voilà, ouais. Il a tourné 20 films. Mais la poésie mène à tout, hein, quand même. Des films qui ont fait scandale, parce que son dernier film, Salaud, ou les 120 jours de Sodome, ont fait des scandales sans nom. Et voilà, j'aime beaucoup Pasolini. Parce que c'est des remises en question. Il s'est fait assassiner en 75. Ouais. Et la veille, il était en France. Et sa dernière interview, il a donnée à la télévision française, à Philippe Bouvard. Ouais. Et il lui a dit, on peut voir sur Internet. Absolument, il lui a dit une chose magnifique. Il lui a dit que... Enfin, Bouvard essayait de le titiller en lui disant « Mais votre film est un scandale, on vous crache au visage dans la rue. » Et Pasolini a dit une chose, il a dit « Vous savez, scandaliser est un droit, être scandalisé est un plaisir, et quiconque refuse d'être scandalisé n'est qu'un blême moraliste. » Et je pense qu'effectivement, nous qui sommes des artistes, je pense que, tu vois, ça doit parler aussi. On est aussi, on doit aussi... faire bouger les choses, où on est dans le ronronnement, où on essaie de bouger les choses. Et j'adore Pasolini pour ça, parce que Pasolini a réveillé quelques consciences. Il fallait être très courageux, ouais. Surtout quand tu remets ça dans le contexte en Italie, une Italie puritaine, tenue par des mafias fascistes, fascisantes en tout cas. C'est un homme nécessaire, je pense que Pasolini était un homme nécessaire. C'est un passage sur terre assez... Absolument. Et maintenant, tu veux nous présenter... Je peux vous chanter d'autres choses. Ça, c'est une chanson du disque aussi qui s'appelle Hit the Blue, qui est une chanson de marin. C'est une chanson inspirée par ce qu'on appelle les shanties écossais, des chansons écossaises. Et voilà, c'est une chanson de marin. C'est l'histoire d'un jeune gabier qui s'est engagé sur un bateau et qui, au cours d'une traversée, a croisé une baleine. Il en est tombé follement amoureux. Et pour la rejoindre un soir sans lune, Il a plongé dans les flots noirs. Voilà, c'est une histoire d'amour. Et c'est la singularité. Fataliste, mais très belle parce qu'il est allé rejoindre son amour. Oui. Et c'est l'étrange histoire de Whiskey Johnny. Whiskey Johnny. Wanna tell a little tale, tiny story from the sea, about a boy, a roving blade, called Johnny. Whiskey Johnny was his name, the coolest cat I've ever seen. He had a smile upon his face, so jolly. He was poaching on a dream. He was dreaming of a love under the breeze. Roll and go, whoa, whoa, whoa, in the blue. Never look back, take a ride beyond. Seigneur, c'en est you. If you leave my world alone, say Johnny, pity upon me, my Lord. Take me home under the sea. I offer you my drowning song. Let it be. He was coaching on a dream. He was dreaming of a love, of a love under the breeze, rolling go. Right beyond the tide, in the blue, the well is mine. Saint Johnny before he died. Over the sea, the game of life and death is a dangerous, a devilish quest. And the wells are singing, and the wells are singing in a fountain of blood. Over the sea, over the land of the free, yeah, the well of men are singing to me the story of Whiskey Johnny. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.